boum dans mon cœur. Ah ouais, je viendrai sans peur. Pour vivre le bonheur, je serai à la hauteur. Écoute bien ma sœur et prête l'oreille sans rancœur. Et tout ce que tu dis, tu penses, tu rendras sans dispense. Hey. Vraiment à Salanini.